Yo, ma hargne se propage, cause du vacarme comme le sida. Yo, ma hargne se propage, cause du vacarme comme le sida. Yo, ma hargne se propage, cause du vacarme comme le sida. Yo, ma hargne se propage, cause du vacarme. J'aurais aimé voir le succès comme Tupac et Ray Charles. Une carrière comme Richard Berry, rap potable dans les charts. Oh, Santiarié l'ami, la success story n'est qu'éphémère. On croit posséder ce qu'on n'a pas, viennent les huissiers. Certains ça donne à la fraude, d'autres résonnent à la fraude. D'autres pour un peu de popu racontent des stories comme X Kank Alfred. On se tape pour des futilités, il fut un temps on se tapait pour un fut utilité de réfléchir avant de se foutre dans la merde et crier d'aime. On a la mauvaise tendance de courir après ce qui nous fuit, parce que l'autre l'a eu on le veut aussi. On se demandait ce qu'il a fait. Certains dérobent, font boucler. Une fois sorti, on vole du rap, on vole la rap du coin. Qui reste obstiné, pas mes rôdes. Eh bro, mélange monnaie, succès et des dettes. Mona Lisa n'est qu'un tableau, mais pour l'avoir, il faut que tu payes. Pour prendre goût au jeu de la street, trop. Il faut que tu play, si t'es pas carré. Pour la surmonter, gars, faut que tu tailles. On parle de ce qui est vain, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de réveil. Passe le mess, y a pas de rêve, même en mode veille. On était tous au départ de la même race, la même course. L'époque, on m'enseignait qu'on n'était pas de la même race. Mais moi, il faut que je m'en sorte en frappant à la bonne porte. La bonne partie du temps, c'est le gars mauvais qui l'emporte. Le stylo lâche sa sève, nos mots s'élèvent. Le micro sonne notre salive, un seul souhait. Toutes les minorités, infériorités soulèvent. Pas le temps d'être suave, la vie est dure, nous de même. Ainsi que notre écriture, on lâche des mots, des rimes. Un message clair, même dans la brûle. Le stylo lâche sa sève, nos mots s'élèvent. Le micro sonne notre salive, un seul souhait. Toutes les minorités, infériorités soulèvent. Pas le temps d'être suave, la vie est dure, nous de même. Ainsi que notre écriture, on lâche des mots, des rimes. Un message clair, même dans la brume. Rap un abîme sans fond, ou bien une histoire sans fin. Tout à fond, on le fait à fond, même si au fond, on sait que le monde s'en fout. On transcrit ce qu'on a sur le cœur, sur nos feuilles, on reste confiant. On y croit dur comme faire des concessions, Dieu sait qu'on en fait. La main gauche me gratte peu souvent, les brousoufles se font rares trop souvent, constamment espiègle. Cherche la route qui mène à Rome, mon chemin, je le parsème de rimes. Je compte bien un jour atteindre la cime avec ce que j'aime, je veux pas mourir malin. J'étive gringaler comme si. En somme, je veux que mes mots pèsent et puissent m'emporter plus des centimes. Passe le mot, on est des jeunes rêveurs en quête de nouvelles saveurs. À tes cas, ultimatum, prestige, voilà un morceau sévère. Le stylo lâche sa sève, nos mots s'élèvent. Le micro sonne notre salive, un seul souhait. Toutes les minorités, infériorités soulèvent. Pas le temps d'être suave, la vie est dure, nous de même. Ainsi que notre écriture, on lâche des mots, des rimes. Un message clair, même dans la brume. Le stylo lâche sa sève, nos mots s'élèvent. Le micro sonne notre salive, un seul souhait. Toutes les minorités, infériorités soulèvent. Pas le temps d'être suave, la vie est dure, nous de même. Ainsi que notre écriture, on lâche des mots, des rimes. Un message clair, même dans la brume. Au fait, je mens quand je dis que ça ira. Même si j'ai les yeux secs comme le Sahara. Grandir dans cet universaire, mais je flippe. À l'aube de mon 20e anniversaire, fais passer le mot aux autres. Soyons plus qu'adversaire, ici ça pue la merde, les gars bougeons. Le présent fait pégère, en attendant les beaux jours. On gratte les pages pour faire éclore le bourgeon. Faut faire les bons choix avant que n'explose le bouchon. Laisse ton stress refrain, je sais que t'es triste. Ça se voit sur tes traits, dis-leur c'est la détresse ici. Vu que les problèmes s'entassent comme dans Tetris. À ce pauvre décor faut trop d'écart, entre eux et nous y'a trop d'écart. Ce que je crache, je te jure, ça vient trop du cœur. Fais passer le mot au producteur, je viens du bas de l'échelle. Avec un bas de level, mais pour percer je vais pas te lécher. Écoute ce paragraphe, fais passer le mot au mic, on blesse en télé. L'espoir aidera, même si ça foire, la tête haute on paradra. Yo, ma hargne se propage. Yo, ma hargne se propage, cause du vacarme comme le sida. Le stylo lâche sa sève, nos mots s'élèvent. Le micro sonne notre salive, un seul souhait. Toutes les minorités, infériorités soulèvent. Pas le temps d'être suave, la vie est dure, nous de même. Ainsi que notre écriture, on lâche des mots, des rimes. Un message clair, même dans la brume. Le stylo lâche sa sève, nos mots s'élèvent. Le micro sonne notre salive, un seul souhait. Toutes les minorités, infériorités soulèvent. Pas le temps d'être suave, la vie est dure, nous de même. Ainsi que notre écriture, on lâche des mots, des rimes. Un message clair, même dans la brume. Se propage cause du vacarme comme le sida. Quoi? Étonné que je parle comme ça là? Yo, ma hargne se propage cause du vacarme comme le sida.